Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Avec sa tignasse bouclée et son visage d'ange, Corentin ressemble plus à un petit prince qu'un vieux loup des mers. Et pourtant, son expérience sur les flots est impressionnante. À 34 ans, Corentin de Châtel-Perron a déjà vécu de sacrées aventures sur l'eau. Ingénieur de formation, il aurait pu choisir une vie confortable, mais il a choisi l'aventure et surtout humanitaire et solidaire. En 2010, Corentin quitte les côtes du golfe du Bengale pour entrer en France sur un bateau en toile de jute. Seul, il navigue pendant plusieurs mois et rentre en France. Début 2013, Corentin met à l'eau le premier bateau au monde 100% en fibre naturelle. Pour tester ce nouveau prototype, il part pour 6 mois de navigation solitaire dans les îles désertes du golfe du Bengale et d'Indonésie. Par souci d'autonomie, il équipe son bateau avec des systèmes simples qu'il pourra réparer seul. Le projet Nomade des Mers est né. Dans cette émission Regarde ailleurs, je vous emmène à la rencontre de Corentin, un sage un peu fou. En 2009, j'ai un ami qui s'appelle Yves Mar, enfin qui était un ami d'amis en fait, qui a envoyé un mail parce qu'il cherchait un... Il vit au Bangladesh, il cherchait un ingénieur pour l'aider à monter son chantier naval, à développer son chantier. Il faisait des bateaux de pêche pour les pêcheurs du Bangladesh. Et du coup, je suis parti là-bas le rejoindre. Parce que ça me disait bien de venir travailler au Bangladesh avec lui pour découvrir. Et là-bas, je me suis installé alors, sur une rivière qui était à côté du chantier. Enfin, en face du chantier, et de l'autre côté de la rivière, là où j'habitais, eh ben, il y avait un champ de fibres de jute, et du coup j'ai commencé à faire des essais pour voir s'ils pouvaient utiliser de la fibre de jute à la place de la fibre de verre dans leur bateau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu as mis en place sur le terrain, c'était pas un projet réfléchi, c'est en fonction de ce que tu as pu voir autour de toi, des idées qui sont nées là-bas, que tu as voulu incarner, concrétiser ce qui se passait dans ta tête. J'ai réfléchi un peu, hein, mais c'est vrai que j'étais au bon moment, au bon endroit, parce que bon endroit, comme je disais, parce que j'étais entre un chantier qui utilisait de la fibre de verre pour faire les bateaux et un champ de jute, et au bon moment, parce que c'est le moment où ils commençaient à importer de la fibre de verre pour faire leurs bateaux et d'autres trucs au Bangladesh, et au moment où l'industrie de la fibre de jute, ce qui faisait nos sacs à patates avant, est en train de se casser la gueule. Et du coup, c'était vraiment le moment pour essayer de créer un déclic et dire, ben non, on peut faire un matériau résistant avec le matériau, avec la fibre de jute qui pousse dans le coin, etc. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. J'ai jamais trop aimé le bateau à la base parce que, alors je suis breton, mais j'avais fait un peu d'optimiste, des petits bateaux là pour faire des tours sur la plage, mais j'ai jamais trop aimé ça en fait. Et du coup, ça m'avait jamais attiré jusqu'à ce que je décide de faire ce bateau, un premier bateau en fibre de jute, à 40% jute. Et pour prouver que c'était costaud, je suis rentré à la voile en France pendant 6 mois. Et en fait, j'ai toujours pas forcément adoré faire du bateau, mais par contre, je trouve que le bateau, c'est un super moyen déjà de prendre du recul par rapport à la terre, parce que être isolé avec juste l'horizon autour, avec quelquefois 5000 mètres de profondeur d'eau en dessous, c'est hyper déconnectant en fait. Tout d'un coup, t'as plus de mail, de téléphone, de machin, et puis t'es tout seul au milieu de l'eau. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et l'autre truc, c'est que arriver dans un pays par la mer, c'est vraiment incomparable avec l'arrivée dans un pays par la terre où t'as un mur ou des barbelés et un agent qui t'attend pour tamponner ton passeport. Quand t'arrives par la mer, en fait, déjà c'est bien foutu parce que la terre elle est ronde et du coup tu vois le truc apparaître au fur et à mesure derrière l'horizon. Et puis t'arrives sur des plages, des populations qui sont différentes de celles que tu trouves à un aéroport ou à une gare. C'est des pêcheurs, c'est des gens qui vivent de la mer et... je sais pas, c'est un effet un peu, tu vois, au début c'est juste un petit trait à l'horizon et puis ça grandit, tu vois le truc apparaître, ça met des heures et quelquefois des jours en fait, parce que là sur le bateau Gold of Bengal, j'avais pas de moteur. Et en fait, quelquefois, tu vois la Terre qui est pas très loin, là, enfin, c'est avant l'horizon. Et en fait, il te faut une semaine pour y aller parce qu'il n'y a pas de vent ou il y a un courant ou un truc comme ça. Et bref, désolé, je réponds un peu longuement au truc, mais j'aime bien le bateau parce que ça déconnecte. Et aussi parce que c'est une forme de voyage que je trouve top. Mais là, je suis en train de comprendre en fait la dimension de ton projet. Donc, tu es au Bangladesh, hein, tu as envie de prouver que c'est possible de construire un bateau avec de la fibre de jute. Et pour le prouver, donc, tu rentres en Europe avec ce bateau, seul, d'une manière complètement autonome. En 2010, j'ai fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la fibre de jute, j'ai fabriqué un premier bateau qui s'appelait Taratari, qui est un bateau de pêche que j'ai tuné parce que c'est des bateaux qui sont censés partir à la journée. Et avec celui-là, je suis rentré en France à la voile via la mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée et tout, pour prouver que c'était costaud. Et ça m'a permis de trouver des fonds pour monter un labo de recherche au Bangladesh, qui existe depuis 2011 du coup. Là, on est une équipe de 14 dans l'association, il y en a 7 qui travaillent sur ce projet-là, développer à grande échelle, maintenant industriellement, l'utilisation de la fibre de jute pour faire des bateaux, du mobilier, des trucs comme ça. Et bref, ça c'était le premier voyage avec Taratari. Et ensuite, avec l'équipe, on a fait donc plus de 2 ans de recherche et on a mis au point le premier bateau au monde 100% en fibre de jute, celui-là. Taratari était à 40%. Et avec ce bateau, je suis reparti en mer et c'est sur ça que le film porte, Nomade des mers. C'est que je suis parti non seulement pour tester ce nouveau bateau, qui était le premier bateau 100% jute, et aussi pour lancer un second projet dans l'association sur les low-tech, les technologies qui amènent l'autonomie. Chouette. Donc, avant quand même de passer à ce deuxième projet, les low-tech et donc le bateau 100% fibre de jute, tu as quand même fait la traversée par la mer Rouge pour rentrer en Europe tout seul, alors qu'à la base, tu n'as pas de connaissances ou de compétences maritimes. Bah, à la base même, j'aime pas le bateau. Bah, non, mais en fait, j'ai pas fait que de l'optimiste quand j'étais petit. J'ai fait quelques croisières avec des copains dans les îles dans le Morbihan. Donc Watt, Edic, Belle-Île, mais j'avais jamais navigué tout seul ou au large et du coup c'était vraiment une nouveauté pour moi. Et heureusement parce que au retour il y en a plein qui m'ont dit bah si t'avais été fort en voile avant de partir tu serais jamais parti. Mais là sur ton bateau on va peut-être parler des dimensions, parce que le voyage est long quand même, comment est-ce que tu arrives à t'alimenter, à survivre, à satisfaire les besoins quotidiens? Sur le premier voyage, ça a duré 6 mois et je me suis arrêté dans pas mal de pays. La plus longue étape, ça a été un mois entre le Sri Lanka et le Sultanat d'Oman. Ça, c'était le plus long parce que c'est vraiment là, pour le coup, il n'y a pas de terre pendant un mois. Il n'y a même pas de bateau qui passe. Et je mangeais des nouilles chinoises. C'est super bien les nouilles chinoises parce que même si tu n'as que de l'eau froide, ça gonfle quand même. Et après, j'avais pris plein de paquets d'épices indiennes pour changer à chaque fois d'épices. Puis j'avais des conneries à mettre dedans, des champignons secs que j'avais trouvés dans un marché chinois au Bangladesh, des fruits secs. Le chou, ça se conserve super bien, par exemple. Un chou, si tu t'en occupes bien, ça dure un mois au moins. Combien de temps sur ton bateau, seul, en solitaire, pour rentrer? Quelle était la taille de ce bateau? Ah oui, la taille. En fait, c'est un bateau, vu du dessus, c'est une forme de pirogue un peu, donc en amande, et vu de côté, une forme de banane, pour te donner un peu une idée du truc. Il fait 9 mètres d'une pointe à l'autre, 6 mètres 50 au niveau de la flottaison, et alors je sais plus exactement, peut-être 1 mètre 80 de large, et à l'intérieur du bateau, parce qu'il y a un pont, ça fait à peu près le volume d'une cabine téléphonique, si tu veux, Et tout ça poussé par les vents. Et poussé par les vents. Sur les 6 mois, j'étais pas tous les 6 mois tout seul, j'étais 4 mois tout seul. Surtout pour les longues traversées, parce que le bateau était trop petit pour accueillir 2 personnes plus le matos. Et par contre, pendant 2 mois, par exemple, en mer Rouge, mon frère est venu pour m'aider à remonter la mer Rouge, parce que en mer Rouge, t'as pas mal de récifs un peu partout, faut faire hyper gaffe. Tu sais, au large, t'es tranquille, t'as un pilote automatique, ce qui fait qu'il garde le cap du bateau pendant que tu dors. Donc tu dors par tranche d'une heure, tu te réveilles, tu regardes si... Mais bon, en général, si t'es vraiment au large, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de danger. Mais par contre, près des côtes, tu peux avoir des bateaux, des coups de vent plus irréguliers, tu peux avoir des récifs et tout. Et bref, sur certaines périodes comme ça, j'étais accompagné. Donc 6 mois, tu arrives en France et donc là, tu choisis de repartir avec une caméra cette fois. Ce qui a donné naissance au projet Nomade des Mers et de donc construire avec ton équipe ce bateau 100% toile de jute. Fibre de jute. Ouais, fibre de jute, parce qu'en fait, le premier bateau Taratari, c'était vraiment de la toile de jute, comme du sac à patates, que j'avais mis avec la fibre de verre, un mix des deux. Et le deuxième bateau, c'est pour ça que ça a pris 2 ans les recherches, c'est qu'on a mis au point un tissu, en prenant de la fibre brute, on a créé un tissu spécialement pour cette application-là. Et du coup, c'est 2,5 fois plus résistant que de la toile de jute, en fait. Et ensuite, ça a pris peut-être 1 an. Ensuite, on a bossé dans des usines de jute, qu'il y a au Bangladesh, pour fabriquer les machines qui permettaient de construire de fabriquer ce tissu en grande quantité. Ça a pris une autre année parce que ce qu'on voulait, c'était tuner des machines existantes pour les modifier pour qu'elles puissent produire notre tissu et pas créer une machine qui aurait coûté super cher. Voilà. Et voilà. Et puis après, on a fait, je sais plus, 500 mètres carrés de tissu, il me semble, en 2012, et on s'est mis à faire des prototypes. Les premiers protos, c'était des planches de surf parce que c'est le plus petit bateau que tu puisses faire, une planche de surf. Et on a fait un tabouret, on a fait quelques trucs comme ça, et puis paf, le bateau. Sur quelle dimension? Alors, il est un peu plus court que Taratari, lui, il faisait 6,50 m de long. 2 mètres de large, il est un peu plus ventru. C'est aussi un bateau traditionnel du Bangladesh, il y a une espèce de corne devant, ça fait un peu drakkar en fait. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. J'ai envie de m'intéresser un peu à la philosophie du voyage. Il y a le fast food, le slow food, le high tech. Et donc maintenant, on va rentrer dans ce que c'est le low tech. J'imagine que ça s'oppose au high tech. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le constat, c'est de voir que quand tu prends les chercheurs qu'il y a dans le monde, il y a peut-être 90% des chercheurs qui bossent pour 10% des gens les plus riches parce qu'ils bossent surtout sur les high-tech. Et pourtant, les low-tech, donc les technologies qui répondent aux besoins de base, accès à l'eau, énergie, nourriture, il y a énormément d'innovations qui peuvent être créées et il y a très peu de personnes qui font des recherches dessus. Et donc l'idée, c'est de se dire, ben, on va essayer de voir ce qui existe aujourd'hui en low-tech, et de le diffuser au maximum et d'essayer de renforcer, de booster un peu la recherche sur les low-tech. C'est ça la mission du projet. Et donc le low-tech, l'intérêt, c'est de pouvoir rendre accessible des outils, je ne sais pas, peut-être pour chauffer son eau, générer de l'énergie à des populations qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir accéder au high-tech. Bah exactement, en fait, quand tu regardes sur Internet, si tu fouilles vraiment bien, nous ça fait 2 ans qu'on fouille, il y a plein de systèmes. Bon, il y a des trucs connus comme une éolienne. Une éolienne, tu peux trouver des vidéos tutos sur Internet qui t'expliquent comment faire ta propre éolienne avec ce que tu as, ce que tu trouves un peu partout dans le monde. Par exemple, tu achètes des bobines de cuivre, des aimants et tu mets ça sur 2 disques et puis tu peux te faire une éolienne. T'en as qui savent faire des fours solaires, donc ça c'est des trucs connus, mais il y en a des beaucoup moins connus. T'as des étudiants en Inde qui ont développé une cocotte minute dans laquelle tu mets des déchets plastiques et ça se transforme en carburant. Tu peux faire du carburant avec des déchets plastiques. T'as une biologiste qui développe un espèce d'aquarium pour recycler les eaux usées avec des micro-algues qui sont en plus comestibles. T'as des systèmes d'hydroponie, de culture hors sol, qui divisent par 10 la consommation d'eau. Et en fait, t'as des innovations comme ça, qui peuvent être développées partout dans le monde et répondre à des problématiques qui touchent des centaines de millions de personnes, parce que l'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, c'est vraiment les problèmes de base pour même des milliards de personnes dans le monde. T'as des systèmes comme ça qui naissent soit dans des endroits où ils sont contraints d'innover. Par exemple, je sais pas, en Inde, dans un désert, ils vont t'inventer un système pour faire de l'eau douce à partir d'eau, grâce au soleil. T'as ces Indiens qui développent le recyclage de plastique pour faire du carburant, etc. Et t'as aussi toute une quantité d'innovations qui naissent du monde industriel. T'as un savoir-faire énorme qui s'est développé ces dernières années depuis la révolution industrielle. et qui aujourd'hui, dont une partie peut être déclinée en low-tech et servir, quel exemple prendre, l'hydroponie, la culture hors sol, c'est utilisé en ce moment pour faire pousser nos tomates dans des serres en France ou des salades. Et ben, on pense que demain, ce savoir-faire industriel, il sera décliné en savoir-faire low-tech, et demain, n'importe qui, dans un désert ou dans un endroit où la terre est pas bonne, ou alors dans un endroit qui est aride, il n'y a pas beaucoup d'eau, pourra faire pousser tes plantes. Les racines plongent dans l'eau et tu mélanges de la fiente de poule, de l'urine, de la cendre, de la rouille, des trucs comme ça. Mais donc le low-tech, c'est vraiment un courant qui existe, quoi. C'est pas toi qui as créé ce terme-là. Non, c'est un courant qui existe mais qui n'est pas du tout assez développé. Et le terme même existe. En fait, quand je suis revenu de cette expédition-là, j'avais pas de mots en tête pour décrire ce que c'était. Nous, en France, on dit système D un petit peu. Mais ça définit pas complètement ça, et du coup on a trouvé sur internet qu'il y a des gens qui appelaient ça low-tech. Bon, bah allez, on va partir en mer avec toi, avec ton bateau, sur cette aventure nomade des mers. Pour pouvoir embarquer, donne-moi un peu une dimension visuelle là dans le micro pour qu'on puisse s'imaginer de quoi il est question. Donc le bateau, ce qu'on y retrouve, vraiment recrée toute l'ambiance, tout l'univers avec lequel tu vas partager plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, donc le bateau, 6,50 m de long, il a une corne à l'avant, deux cornes à l'arrière. Tout à l'arrière, j'ai accroché un poulailler avec deux poules, poule rousse et poule blanche. Donc le poulailler, et ça c'est malheureux, je l'avais suspendu au-dessus de l'eau et il est en grillage pour que les poules aient une vue panoramique sur la mer. Mais en fait, quand on veut des œufs, il ne faut pas penser à ce paramètre-là, mais plutôt à ce que les poules elles soient bien confortablement installées et en pleine sécurité. Donc bref, elles n'ont pas pondu. Quand tu avances, tu as une espèce de... Sur les deux premiers mètres arrière du bateau, tu as une espèce de grosse capote comme les diligences dans les westerns. Et avec sous la capote, plein d'outils et d'instruments suspendus qui se balancent comme ça avec le bateau. Et un réchaud à bois. Il y a des réchauds à économie de bois qui sont hyper économes en bois. J'ai passé des mois au final assis au même endroit. dans le bateau, et j'avais tout à portée de main, du coup tout accroché autour, et c'est là que je faisais la cuisine. Et quand je m'arrêtais dans les îles désertes, je ramassais du bois, et c'est comme ça que j'ai embarqué des familles de termites qui ont bouffé mon mât en bambou. et c'est là que je cuisinais, que je faisais ma bouffe, c'est là que je lisais des bouquins, c'est là que je regardais les cartes, que je barrais, que tout se passait là. Donc ça, c'est la partie diligence. Et ensuite, le tronçon des 2 mètres plus devant, il y a un pont. Donc c'est lisse au-dessus, il y a la voile quand je naviguais, et dessous il y a une couchette en fait king size. Par contre c'était assez inconfortable parce que au milieu il y avait le puits de dérive. C'est un bateau que tu peux beacher en fait, c'est-à-dire que tu peux l'amener sur la plage, le fond est plat, et il y a une espèce de dérive qu'on avait découpé dans une coque de cargo, ce qui jette, c'est la fin de vie de beaucoup de cargo au Bangladesh. Bref, ça remontait dans la coque, donc ce qui faisait que c'était inconfortable. Et ensuite, la dernière partie du bateau, c'est le triangle avant. Et ben là, on avait mis un plexiglas, et c'était une serre en fait, pour que je puisse faire pousser mes patates, qu'on jamais poussé. Donc là, l'idée, c'était vraiment l'autonomie sur les mers. Quel était le projet? Donc montrer que ce bateau était fonctionnel ou... Il y avait une double mission. La première, c'était de tester le bateau, parce que ce nouveau matériau qu'on avait mis au point, il fallait le tester et prouver que c'était costaud avant de l'industrialiser. Et le deuxième, c'était vraiment de lancer ce projet sur les low-tech, sur les technologies qui permettent l'autonomie. Moi, ça m'a toujours passionné ça me passionne toujours, et j'espère pour longtemps encore, parce que là, je pars pour un moment sur le sujet encore. Encore en mode nomade sur l'eau? Ouais, en fait... Là, mon plan, c'était, en gros, la théorie, c'était que ça devienne un écosystème sur ce bateau, avec les poules qui font des œufs que je mange, les fientes que je donne à la serre, qui fait des patates que je mange, que je cuis dans le réchaud économie de bois ou dans le four solaire, et bref, faire comme un écosystème. Et ça n'a pas du tout marché, vraiment, du tout. Et pourquoi? Parce que, alors que je suis quand même assez bricoleur, tu vois, assez à esprit MacGyver et tout, et en fait, je me suis rendu compte que, un exemple tout con, c'est que dans la serre, j'ai eu des plants de courge qu'on poussait à fond. Tu vois, ils ont envahi toute la serre, ça faisait des grosses feuilles, j'étais super content. Et au bout de plusieurs mois, j'ai eu aucune courge. Et ma grand-mère, en revenant en France, elle m'a expliqué que quand tu as un plant de courge qui a 5 feuilles, il faut couper au-dessus de la deuxième, sinon tu n'auras pas de courge, quoi. Il faut les tailler en gros. Et en fait, c'est là que j'ai compris que t'avais beau être ingénieux, etc., il te fallait les bonnes connexions, en fait, avec les bonnes personnes, les bons spécialistes. Si tu voulais avancer, tu pouvais pas tout inventer tout seul. Et là, je me suis rendu compte que pendant ces 6 mois où je m'étais donné un challenge pour réussir à avoir accès à l'eau, à l'énergie et tout ça, et ben, je m'étais juste mis dans la même situation que des millions de personnes dans le monde vivent tous les jours, à qui il faudrait juste quelquefois pour résoudre leurs défis du quotidien, une connexion avec, pas une grand-mère, mais un spécialiste du recyclage de plastique, un spécialiste de machin, quelqu'un qui a déjà inventé un truc. Et bref, c'est comme ça qu'est né tout le projet Nomades des Mers. Et là, on a du coup, depuis que je suis revenu, on a créé une plateforme sur Internet pour essayer de fédérer tous ces projets-là, toutes ces idées-là qu'on a trouvées sur Internet depuis, toutes ces technologies, essayer de les diffuser via des vidéos tuto, parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur moyen de diffuser des savoir-faire techniques, et de faire collaborer autant des entrepreneurs perdus partout dans le monde, des étudiants, et même des entreprises ensemble pour créer de la recherche sur les low-tech. Donc c'est un peu mutualiser les savoirs et rendre accessible au plus grand nombre toutes ces connaissances pour pouvoir les transposer dans son quotidien. Ouais, c'est exactement ça. On a envie que demain, enfin dans 5 ans, 10 ans, il y ait un panel de technologies open source dans lequel n'importe qui puisse puiser des infos et se faire localement des low-tech qui correspondent à ses ressources, à ses compétences, etc. Avant de continuer le voyage, mais plus d'une manière intérieure, j'aimerais juste que tu nous donnes une adresse internet pour pouvoir avoir accès à ces infos et découvrir un petit peu ce projet sur le web. Alors la plateforme, elle s'appelle Low-Tech Lab. lowtechlab.org. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc Corotin, tu es parti avec une caméra pour faire ce documentaire Nomades des Mers. L'idée c'était de recréer tout un écosystème sur ton petit bateau pour pouvoir t'auto-alimenter, récupérer l'eau, générer de l'alimentation, les poules, les œufs, la terre, les fientes, le compost. Ça n'a pas marché. Comment t'as fait alors pour te nourrir? C'était comme le premier voyage, t'es avec des paquets de nouilles chinoises? Cette fois j'avais pris 20 kilos de riz. Parce que je me disais que les patates allaient mettre 3 mois à pousser et que j'allais ensuite pouvoir enchaîner sur des patates. Et en fait, les patates n'ont jamais poussé et j'ai fini mes 20 kilos de riz. Et en même temps, j'ai rencontré des pêcheurs en Indonésie qui m'ont piqué mon fusil harpon avec lequel je pêchais. Et du coup, je me suis retrouvé à bouffer des noix de coco et des coquillages. Et là, j'ai un peu galéré. Et ensuite, pendant un mois, il y a une équipe qui m'a rejoint. En fait, c'est des amis qui sont plus ou moins proches de l'association. La plupart sont dans l'association. Et je leur avais demandé à chacun de se renseigner à fond sur une low-tech et de venir avec ce savoir-faire sur une île en fait, qu'on a transformée en laboratoire éphémère, si tu veux, dans la jungle. On a fait plein de tests. Donc, il y en a un qui est venu avec une idée pour recycler toutes les bouteilles plastiques qu'on trouvait sur les plages. Il y en a un qui est venu avec le savoir-faire sur l'hydroponie, faire pousser des plantes sans terre. Il y en a un qui est venu avec un système, ça n'a pas trop marché ce truc-là, une pompe de kitesurf pour qu'on puisse plonger sous l'eau et pêcher. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et eux, ils sont venus avec de la bouffe. C'est là où je voulais en venir. C'est que j'ai pu remanger au bout de, je sais pas, ils sont venus le 5e mois, 4 mois et demi peut-être. Mais ça paraît complètement démentiel, hein, ce que tu dis. Mais les gens, enfin, ton histoire, elle est dingue. Donc, pendant 4 mois et demi, tu étais donc seul, là, sur ton bateau, à essayer de survivre, finalement. C'est de la survie, là. Tant que j'avais mon stock de riz, c'est pas non plus de la survie. Et puis, les noix de coco, tu peux en bouffer sous toutes les formes. Tu sais, quand la noix elle est verte, t'as de l'eau dedans. Quand t'attends un peu, t'as une espèce de pâte blanche qui est super bonne. Quand t'attends encore, ça te fait une chair blanche comme celle qu'on trouve dans les supermarchés. Tu peux faire du lait de coco, même de l'huile de coco avec. J'ai même fait une fois une espèce de yaourt. Ça puait un peu, je l'ai pas bouffé, mais je pense qu'on peut faire du yaourt avec. Quand t'attends encore un peu, ça fait un germe de noix de coco et à l'intérieur, t'as une espèce de mousse qui est super bonne pour le petit-déj. Et quand t'attends encore plus, quand il fait 50 cm de haut, le plant, et ben tu le coupes et ça se bouffe comme de la salade à l'intérieur. Et donc, j'ai découvert toutes les sortes de, de recettes avec les noix de coco. Et en plus, pendant tout un moment, j'avais un fusil harpon et je pouvais choper des poissons un peu n'importe où. Et ça, c'est les noix de coco que tu récupérais en posant ton bateau, ton embarcation sur des îles ou des noix de coco flottantes ? Non, toutes les noix de coco, en fait, je me suis arrêté sur pas mal d'îles désertes, en Birmanie, dans les îles aussi indiennes, Andaman et Nicobar, et puis dans les îles indonésiennes après. Et toutes ces îles-là, elles ont des cocotiers. Et les noix de coco que tu trouves qui dérivent en mer, en général, elles sont pas top, elles sont trop vieilles, ouais, faut mieux aller sur la plage, t'en as des bonnes fraîches. Quand je pense à nomades des mers, tu penses aux Bajao, donc les nomades des mers. Est-ce que tu les as rencontrés ? Est-ce que tu avais cette envie de rencontrer d'autres personnes dans ton voyage ? Ou vraiment la rencontre, c'était pas du tout ça le projet ? C'était plutôt développer l'autonomie ? À l'origine, je pensais pas rencontrer beaucoup de gens parce que je m'arrêtais que dans des îles désertes. J'avais quand même bien envie de passer dans l'archipel des Mergui, qui est un archipel en Birmanie avec des nomades des mers, parmi les dernières populations au monde. Et en fait, c'était pas évident d'un point de vue administratif et tout ça, et même pour le vent, d'aller dans ce coin-là. Par contre, j'ai rencontré plein de pêcheurs indonésiens qui venaient pêcher dans l'archipel où je m'étais installé. Et donc j'ai commencé à apprendre un peu l'indonésien avec eux, et eux, ils m'ont appris à pêcher, à choisir les bons coquillages et tout ça, donc c'était bien sympa. Ils m'ont appris à pêcher aussi avec leur espèce de filet de plage là et tout. Ton entourage t'a laissé partir, on n'a pas essayé de te retenir sur ce projet un peu fou ? Ben, comme j'avais déjà fait le voyage Bangladesh-France, ils étaient déjà au courant que... enfin voilà, ils n'ont pas été trop surpris non plus, mais le deal, ça a été de prendre un téléphone satellite et j'appelais une fois par semaine ma famille pour donner ma position et mes nouvelles. Et donc on va finir par le voyage intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe en toi pendant tout ce temps sur les mers, seul, face aux éléments, à la nature ? Dans la vie normale, dans la ville et tout ça, t'as un peu tout le temps des sollicitations avec les mails, le téléphone, la pub, tout ce que tu peux voir autour de toi. Et ça me donne l'impression que ton esprit, il est en train de zapper tout le temps entre mille trucs. Comme si tu regardais, quand tu regardes la télé avec une zapette dans la main et que n'y a rien qui te plaît, quoi, ou enfin que tu changes tout le temps. Et quand t'es en bateau et que tout d'un coup tu te retrouves, déjà avec ta to-do list, ton truc à faire, c'est beaucoup plus routinier. Qu'autour il y a juste l'horizon et c'est vide, ton cerveau il commence à fonctionner différemment parce que c'est comme un petit peu un état un peu plus méditatif où tu peux avoir des réflexions plus continues en fait, sur des plus longs moments. Moi ça a mis peut-être 2 semaines avant que vraiment ça commence comme ça. Je sais pas, c'est comme ça, c'est pour ça aussi que j'aime aller à la randonnée, c'est qu'en randonnée au bout de quelques jours, tu commences à penser un peu plus en continu, tu zappes moins en fait. Et c'est ça que je trouve super intéressant, que j'ai bien aimé en fait. Ça me donne l'impression que c'est un peu comme, tu sais, quand tu défragmentes ton ordinateur. Et quand tu regardes, je sais pas si tu as déjà regardé l'image, quand tu défragmentes, il y a des petits carrés qui se mettent ensemble. J'ai l'impression que dans le cerveau, il se passe pareil. Tu sais, t'as plein de... C'est comme si ça rangeait un peu les trucs dans le cerveau. Et la solitude, comment tu la gères ? Au début, j'avais un peu peur de m'emmerder sur un bateau aussi petit, parce que j'aime bien, enfin, je suis assez actif en général. Et en fait, avant le premier voyage, j'avais jamais été complètement seul à plusieurs kilomètres de la première personne. Et en fait, j'ai trouvé ça top. Là, j'ai vraiment adoré. Et c'est pour ça que le deuxième voyage, j'ai pas hésité à repartir complètement tout seul pendant encore plus longtemps. Et bientôt, un troisième voyage. Donc, juste pour faire bref, c'est quoi le sujet là ? Là cette fois, c'était quand même un peu un échec le dernier voyage, vu comme j'étais nul par rapport à l'objectif d'autonomie que je m'étais donné. Cette fois, on a trouvé avec mon équipe un bateau plus grand, mais beaucoup plus grand, puisque c'est un catamaran qui fait 14 mètres de long, et on l'équipe comme un laboratoire pour inviter plein de spécialistes de low-tech à bord. Donc on aura une serre de 30 mètres carrés, un espace pour les insectes, un espace pour le compost, un espace pour faire pousser des champignons, un espace pour tout ce qui est recyclage, un atelier élec et tout ça. Et on va s'arrêter, donc on fait un tour du monde de 3 ans, on part en février. On s'arrête dans plus de 30 pays pour à chaque fois trouver des inventeurs localement qui ont des bonnes idées. On va faire les tester à bord, faire des vidéos tutos, et pour qu'ensuite on constitue cette espèce de panel de technologie dont on rêve pour que n'importe qui puisse puiser dedans et on veut devenir la NASA du low-tech. Corentin, comment ensuite ton projet ? Il y a lowtechlab.org pour ceux qui veulent contribuer aux recherches sur les low-tech par des idées, des liens, n'importe quoi, ou se servir, puiser dans ces technologies. Il y a le site Nomade des Mers pour suivre la prochaine expédition. Et il y a le site jutelab.org sur le projet développement du jute au Bangladesh. Merci beaucoup, à toi. Merci à toi aussi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.